ça à la plage, se déshabille à l'ombre d'un bananier. Ma sœur à la plage a peur de ceux qui sont trop cavaliers. Elle souffre en silence, des yeux posés sur elle, des yeux posés sur elle et son petit panier. Oh, ma sœur à la plage se dort à l'abri son bananier. Ma sœur à la plage a toujours sur elle son petit panier. Ses lunettes, son ombre solaire, son réveil, ses romans sincères. À l'eau de rose, à l'eau de vie, à l'eau de rose printanière. Ma sœur à la plage se voit en rêve sous les doigts d'un vanier qui façonne son désir, nous son rêve au plaisir, s'envole en larmes, en cri, en rêve, en larmes et cri mêlé. Secousser, secousser, secousser, secousser un bananier. Ce que c'est que d'être secoué par un bananier. Ma sœur à la plage se rhabille sans plus y penser. Ah, tous ses yeux posés sur elle, ses désirs déposés en elle, qui font mollir, qui font mentir son schéma corporel.